muy neex ñewati na bi nak ben lepp la indil bo xamne mi ngi xew su ben village bi tuddu Wakam maître dafa dugg ci bonjour les élèves ñep ne bonjour monsieur Diop je vais vous poser une question eh ben qui trouve la réponse aura plus de au prochain devoir gaayene oui monsieur merci monsieur rek maître bi ne qui a signé le traité de Versailles waye rek boy nan moi monsieur ben boy bu tudde Jules Diop prof interjet ko oui Jules rek Jules nako en tout cas c'est pas moi monsieur rek prof bi o Jules buñu rek waye prof bi dako mbeccete tarak tak tek Jules nek fa du joy quoi amna ko defa mappale ton père waye Jules nibi bu mu ñibé nak dem wax papa quoi xam nga li papa ci ñew école and ak Jules le bu ñew bu dugg ci classe bi rek ene gaay élève yépp di rétane quoi le nak pa bi ne monsieur ya auto ya mo won parce que sama dog dafa ñew kër gi ñibi ci di joy le bu mako lal nak mu ne suñu mëssa dafa ma laaj ma tontu mu dor ma le mu ne pour na la wo le bu man nak ba ñew le maître nako waaw man dama don laaj qui a signé le traité de Versailles mom nena du mom mu nako rek pa bi dog prof dako xolo maître man ki sama dom la mais ma rek wa mom deng mais ma rek mo xam mom rek pa bi xëc Jules ci biti taxaw ci biti ci buntu classe bi ne ko Jules man ta bay la ci wax ma rek bu fekke ya ko suñu nga wax Jules bu fekke ya ko suñu nga wax ci nako billahi wala ta la papa ban man traité man suñu mako papa ban suñu mako on suñu lol la wax ban suñu mako ne ko Jules wax man sa bay am nako papa billahi wala ta la man suñu mako papa suñu mako traité bobu man suñu mako man nek mu fu won sax léegi pam bi ñëw ne maître bi sama doom neena ci ñëw ko ta man tamit ci ñëwuma ko bu fekkee dañu ko ci ñëw nak ñun ci ñëw ñuko dé